Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast 2030 Glorieuse, c'est la troisième année, ça y est, qui est soutenue par la NEF. C'est le partenaire de ce podcast. C'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Et en ce moment, il y a un grand mouvement. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet. C'est le mouvement du Big Bang. Voilà, je fais un peu de teasing, ce qui vous permet d'aller voir. Martin, toi, tu es le cofondateur d'Anciela et de l'Institut Transition. Anciela, c'est une association indépendante qui accompagne les engagements et les initiatives des citoyens en faveur d'une société écologique et solidaire à Lyon et dans sa grande région. Et l'Institut Transition, c'est un organisme de formation professionnelle engagé auprès des personnes et des structures qui mènent ou souhaite mener la transition écologique et solidaire toujours dans la région lyonnaise, mais aussi au-delà, voire partout en France. Nous allons en reparler. Ensemble, nous allons donc discuter de sens dans nos quotidiens et dans nos métiers. Nous allons parler de bifurcation, de stratégie aussi, pour faire basculer la société dans de nouvelles abondances. Rien que ça, avant de se lancer sur tous ces sujets qui me passionnent et j'ai hâte d'avance là de cet échange qui nous attend, Martin. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me dire comment tu réponds à cette question quand tu te retrouves dans un nouveau milieu avec des personnes que tu ne connais pas encore et qu'arrive la question fatidique « Et toi, Martin, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Tu leur réponds quoi? C'est une question que j'ai toujours eu à cœur de travailler parce que depuis ma fin d'études, ça a été une préoccupation de mon père qui a été très embêté. À la fin de mon lycée, j'ai eu la chance d'atterrir à Sciences Po Lyon. Mon père, c'est un instituteur qui vient d'un milieu très populaire et qui pour qui c'était quand même une consécration. Il avait vraiment une joie de voir son fils débarquer dans un institut d'études politiques où il allait apprendre plein de trucs et où il allait participer à la construction de la société. Et à la fin de Sciences Po, je travaillais en cabinet de conseil en politique publique. Dans un cabinet qui était très chouette, on avait quand même du sens. C'était sur les enjeux d'écologie, les enjeux de participation citoyenne, de démocratie, mais qui ne me correspondaient pas tout à fait. Et j'ai pris une année pour moi, que mon père m'a un peu soutenu. Il m'a donné un coup de pouce. À côté, je donnais des cours particuliers. Et il était très embêté. Et je me souviens d'un jour où on se retrouve dans le petit village où il vit, devant le maire, André Guevara, maire d'un village qui s'appelle Chevirey-le-Rouge. Mon père doit me présenter. Donc, André Guevara arrive. Il dit : « Ah, c'est votre fils qui est aviateur. » C'est pas moi, ça, c'est mon frère qui, effectivement, aviateur, qui est un vrai métier. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment de vrai métier. Ils m'ont dit : « Ah, c'est mon fils qui a fait Sciences Po », ce qui avait été horrible parce que dans un petit village, avec le maire, dire que j'ai fait Sciences Po, il commençait à me poser plein de questions. Il me dit : « Ouais, le pays, et le truc, et le bidule, et le machin. » Et j'étais complètement perdu parce que je sais pas du tout la situation dans laquelle il était. Et pendant pas mal de temps, c'était difficile pour mon père de comprendre quel était mon métier jusqu'à ce que je devienne enseignant dans le supérieur où il a pu mettre un mot qui était clair pour. Mais en pratique, je lui disais : « Mais ça, c'est ce que je disais à mes étudiants : « Vous êtes mon loisir rémunéré. J'adore enseigner. J'adorais aller dans des écoles, enseigner les enjeux d'écologie, d'économie sociale et solidaire. C'était une passion. Par contre, mon métier au jour le jour, le combat qui m'habitait, ce qui avait du sens pour moi, c'était ce que je vivais à Anciela, c'est-à-dire d'accompagner surtout des porteurs et des porteuses d'initiatives, des personnes qui montaient des associations, des entreprises, certaines d'ailleurs qui ont été interviewées dans le podcast, et de les accompagner à se monter au tout début quand ils commencent et puis à grandir, à se développer. Il y a des initiatives, certaines qui ont été aussi, encore une fois, interviewées dans le podcast comme Mineka, que je suis encore, que je vois encore régulièrement en accompagnement. Et c'est très chouette, c'est très enrichissant. Et c'était le sens de mon action au jour le jour, qu'en définitive, les cours que je donnais dans le supérieur, c'était anecdotique et j'étais plus accompagnateur d'initiatives, bénévole, entièrement gratuitement, fondateur d'une association bénévole, entièrement gratuitement, puisque j'en suis président. Et à côté, en définitive, j'avais une activité qui me permettait de gagner un peu d'argent, qui était prof dans le supérieur. Jusqu'à il y a 2-3 ans, un peu plus maintenant, 3-4 ans, où je suis avec une petite troupe de personnes, on a décidé de fonder cet institut. Moi, j'ai eu un peu de temps qui s'était libéré dans mon agenda suite au départ d'une école dans laquelle j'étais très investi. Et on a monté cet institut et ma vie professionnelle a enfin eu un nom et où j'ai pu dire mon engagement professionnel dans cet institut où je suis cofondateur, coordinateur général et j'enseigne beaucoup, j'accompagne beaucoup à la fois des personnes qui évoluent professionnellement et des initiatives qui se développent. J'ai enfin, voilà, entre guillemets, mon métier au sens, je dirais, moderne du terme, au sens où je suis payé pour le faire. Mais en pratique, j'ai toujours pratiqué ça depuis mes 23 ans, la fin de mes études, mais dans un cadre tout à fait bénévole. C'était une question un peu difficile à répondre au départ et qui aujourd'hui est un peu plus simple. Maintenant, Antila est plutôt connu sur Lyon, même assez connu, ce qui amène, quand on dit qu'on est président d'Antila, qu'on a fondé Antila, puis fondé l'Institut de Transition, bon, en pratique, on se retrouve assez... on n'a plus trop besoin d'expliquer son métier. On rentre dans une autre catégorie des dirigeants et dirigeantes. Ton humilité te sert, Martin, et à la fois, le podcast dépasse la région lyonnaise, parfois, en fait, même assez souvent, les frontières françaises. Et donc, Antila, on ne sait pas à quel point c'est la référence, il faut le dire, la référence de l'engagement éco-citoyen et solidaire à Lyon, et comme je le disais, dans tout les villes et banlieues environnantes. Donc, effectivement, je pense que quand on dit fondateur d'Antila, cofondateur de l'Institut Transition, ça met une étiquette qui marche bien sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, bravo, super. À la fois, tu as commencé à tourner un peu autour de cette notion que j'aimerais qu'on creuse très rapidement. Tu disais que tu étais déclencheur d'étincelles, d'engagement, finalement, dans la vie personnelle et professionnelle. Il y a quand même toujours cette envie d'autoriser aux autres, je sais pas, à se lancer, à y croire, de confirmer leur envie d'engagement. Tu le redirais comment maintenant si tu devais y mettre une étiquette ? Pour moi, c'est ce sentiment, voire cette sensation physique que tu ressens quand une personne, à un moment ou à un autre, exprime qu'elle a trouvé sa voie. Elle existe enfin. Je suis pas quelqu'un de très émotionnel. Moi, j'ai grandi en banlieue. J'ai toujours été très bagarreur. Et j'ai vu une pièce de théâtre. Et pendant toute la pièce, je pense que j'ai pleuré pratiquement. Qui s'appelle Je n'ai pas encore commencé à vivre, qui est une pièce de théâtre russe, où la metteuse en scène, en fait, elle raconte ces personnes qui passent à côté de leur vie, qui ne vivent pas vraiment. Et en sortant, je me souviens, les gens parlaient les uns les autres. C'était dans un théâtre un peu bourgeois. Tout le monde avait des conversations un peu bourgeoises sur ce qui était bien, ce qui était moins bien, et une personne disait ça donne pas envie la Russie. Et j'ai vraiment eu envie de le secouer et de lui dire mais c'est la Russie ici pour toi, mais c'est la France en fait. Des personnes qui passent à côté de leur vie, j'en vois tous les jours. Et le moment où quelqu'un monte une initiative, s'engage, change, bouge et existe enfin lui-même vraiment parce qu'il va se battre pour quelque chose qui lui tient à cœur. Nous, c'est les enjeux d'écologie et de solidarité, parce que c'est notre moteur. Mais on peut avoir des gens qui trouvent des passions tout à fait autres, qui les réalisent réellement. Nous, on va être plutôt sur ceux qui sont sur les enjeux écolo et solidaires. Mais de voir des personnes enfin exister, enfin dire oui réellement avec leur cœur, avec leur énergie, ça, c'est ce qui m'habite. Ce qui fait qu'en pratique, les enjeux d'écologie et de solidarité sont les défis de notre époque. À une autre époque, j'aurais probablement eu d'autres défis. Et ce qui aurait toujours été là, c'était d'accompagner ces personnes à avoir cette étincelle, trouver les mots qui les autorisent à y aller, à se lancer, à se battre, à exister, à défendre leur avis, leur vision et à vivre vraiment à des moments où ils sont dans des parcours de non-choix, ils sont dans des il faut que, on n'a pas le choix, on doit, et où en fait ils n'existent pas, ils sont juste le résultat d'un algorithme social qui les a amenés à un endroit X ou Y, suivant s'ils étaient bons en ceci, mauvais en cela. Mais eux-mêmes, on ne leur a jamais demandé vraiment ce qu'ils pensaient fondamentalement, on leur a dit oh, t'es bon maths, tu dois être ingénieur. Moi, je tourne souvent autour de cette notion de survoler sa vie et d'être dans ce mode pilote automatique qui nous tue en réalité. Donc, on se rejoint beaucoup pour ça. Et c'est pour ça aussi que je suis très content de te donner la parole, Martin. Pour te remettre un petit peu de contexte, cette interview, elle intervient après une série de plusieurs interviews dans lesquelles j'ai donné la parole à des expertes et des experts qui m'ont aidé à y voir plus clair sur la notion des métiers de la société durable et solidaire. Et on a beaucoup tourner autour de la question de sens. Avec toi, j'ai envie de clôturer cette parenthèse qui finalement vient permettre de donner un peu de hauteur au podcast de Mitrangleureuse, dans lequel normalement je donne la parole à des personnes qui font ces métiers de demain qui se normaliseraient. On reviendra sur cette notion avec toi. J'aurais tendance à dire que peut-être que cette étincelle d'autoriser les gens à y croire, à vivre cet engagement éco-citoyen, solidaire en 2030 glorieuse, peut-être ne serait plus nécessaire, en tout cas plus comme aujourd'hui en 2023, mais on en parlera tout à l'heure. J'ai quand même envie ensemble qu'on atterrisse sur cette notion d'engagement, notamment au niveau professionnel, en partant de cette expérience que tu as accumulée depuis, comme tu le disais, 3-4 ans, notamment avec l'Institut Transition. On va essayer d'atterrir, on va essayer de donner du concret. Peut-être qu'on parlera d'obstacles et aussi de leviers pour se mettre dans son engagement. Avant ça, tu as commencé à le faire. Là, on est en train d'avoir cet entretien dans les locaux d'Anciela à Lyon. Il y a autour de moi tout un tas d'affiches, notamment d'affiches de vos festivals, d'affiches de vos magazines, de votre guide, qui sont lumineuses, qui sont joyeuses, qui sont engageantes, dynamiques. J'ai l'impression qu'on se retrouve sur cette notion d'écologie, d'éco-solidarité qui est, elle, vectrice de nouvelles abondances. Pourquoi c'est évident pour toi? Pourquoi tu as voulu défendre quelque chose qui rayonne, qui enthousiasme? C'est très simple, c'est que on est à un tournant de civilisation. C'est-à-dire que notre civilisation industrielle, celle qui est née à la fin du Moyen-Âge et qui a grandi avec les grandes révolutions industrielles du 19e et du 20e siècle, elle atteint un certain nombre de limites fondamentales, on va dire, qui ne sont pas simplement les limites entre guillemets planétaires, comme on a aujourd'hui souvent coutume de dire, et qui sont des limites sociales, des limites économiques. La société s'est développée, on a atteint un degré de développement significatif et on rencontre des limites considérables. Il s'agit aujourd'hui de changer de civilisation, entre guillemets. Changer, c'est plutôt de prendre un virage de civilisation pour construire une nouvelle civilisation qui sera la continuité, une transformation de la civilisation qu'on a aujourd'hui. Et ça, on ne le fait pas par la peur, on ne le fait pas par les angoisses, on ne le fait pas par la force, la violence, la barbarie, toutes les formes de barbarie, de peur, d'angoisse, d'abîmement des personnes, elles ne fabriquent pas de civilisation, elles fabriquent de la souffrance. Ce qui fabrique une civilisation, c'est le désir, c'est des imaginaires positif au sens des imaginaires dans lesquels on se projette en disant c'est quelque chose dans lequel j'ai envie de grandir, de voir grandir, de faire grandir et c'est quelque chose qui ne peut pas passer par des calculs mathématiques qui nous disent on tant de CO2 ou qui nous disent, naturellement les calculs comptent parce qu'ils nous mettent en garde et ils nous montrent des réalités. Par contre, la société ne se fabrique pas avec des calculs, les calculs donnent des indicateurs utiles et elles se fabriquent avec du désir et du désir profond pour qu'on réellement change de société. Il faut que moi, quand à 15 ans j'allais dans des grands magasins regarder les écrans et regarder tous les trucs que j'aurais pu consommer si j'avais eu un peu plus d'argent, et puis qu'on se disait on pourrait avec un peu plus d'argent s'acheter ça, si j'avais passé tout ce temps là dans la nature à me dire comment s'appellent ces oiseaux, qu'est-ce qu'il y a derrière cet arbre, comment il grandit, comment il communique avec les espèces qui sont autour, j'aurais pas le même imaginaire et ma mission en tant qu'être humain ne serait pas la même. Et c'est cette mission là qui d'une manière ou d'une autre doit changer pour devenir pour que nous soyons moins prédateurs de nous-mêmes et de la nature et davantage créateurs, davantage protecteurs, davantage soignants de cette nature et de nous-mêmes. Et ça, ce n'est que le désir positif qui peut le construire. Avec ce que j'analyse, en tout cas avec ma manière de voir le monde actuellement, peut-être dans la démarche d'Anciela, un fil conducteur, un peu de l'humilité, parce que j'ai l'impression que plutôt que d'arriver avec le sentiment que vous éclairez de votre sagesse, de votre clairvoyance, le reste du monde qui encore est dans l'obscurité de l'incohérence, de l'insouciance et de l'incompréhension, au contraire, vous mettez en avant plein de gens, vous mettez en avant plein de talents, vous mettez en avant plein d'événements, parce que vous savez que ce que vous défendez, ça peut être relayé sur le territoire et c'est ce qui va aider à le déployer largement. J'entends ce que tu dis sur le fait qu'on met beaucoup de chiffres en ce moment, on met beaucoup dans des tableurs Excel et c'est vrai qu'on associe en ce moment le mouvement écologiste à, par exemple, des grandes figures comme Jean-Marc Jancovici qui mesure chaque respiration. Toi, ce que tu dis, c'est que si son travail à Jean-Marc, par exemple, il est actuellement nécessaire, en fait, ça va être les journalistes, les conteurs, les poètes, les chanteurs qui vont nous aider à massifier largement la transformation de notre société? Je dirais qu'on a une nécessité des ingénieurs et on a une nécessité des experts, effectivement, comme tu dis, pour nous indiquer, nous alerter, nous permettre aussi de comprendre les grands enjeux et les enjeux qui sont secondaires pour qu'on arrive à avoir une capacité à prioriser ce qui sera décisif dans la transition écologique, parce qu'elle n'est pas simplement civilisationnelle, basée sur nos convictions ou basée sur nos imaginaires, elle est aussi basée sur des problématiques très concrètes et très pratiques, comme d'ailleurs toutes les grandes transformations de civilisation ont toujours été basées sur des réalités très pratiques et très concrètes auxquelles on fabriquait autour des imaginaires pour pouvoir se les approprier et construire une civilisation adaptée. Après, je dirais pas qu'on a... Enfin, je pense que naturellement, les artistes et les journalistes et les troubadours, on pourrait dire au Moyen-Âge, tous ceux qui vont partager des informations, partager des mots, partager des imaginaires, sont ceux qui fabriqueront ces imaginaires. Pour moi, ils les partagent. Ils sont décisifs parce qu'ils les partagent comme des abeilles partagent du pollen. Je pense que ce qui est plus décisif encore, en tout cas autant décisif et qu'on a tendance à oublier, c'est tous ceux qui fabriquent ce que toi, tu vas mettre en lumière et qui, en fait, ont des vérités de terrain beaucoup plus concrètes, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus humbles que parfois celles de grands journalistes qui se lancent dans des discours sans doute très bien ficelés d'un point de vue du vocabulaire, mais qui manquent cruellement de cette humilité du terrain et où parfois, on les écoute, on se dit bah, c'est un peu dommage, parce que ça aurait été chouette d'interroger une personne qui aurait raconté simplement avec son humilité, probablement moins clivante, mais en même temps plus profonde et plus inspirante que celle qu'on voit sur des plateaux aujourd'hui télé, où on cherche à fabriquer des combats de coqs entre tel journaliste et tel politique, entre tel expert et tel militant, et où remettre un peu de terrain de ceux qui fabriquent des solutions. Pour moi, un exemple tout bête, c'est pas tout à fait écolo, mais sur le métier de boulanger, en disant c'est dur boulanger, on se lève à 4h du mat, etc. Puis tu vas interviewer la Micyclette, qui est une coopérative sur Lyon qui fabrique du pain, qui dit on fait pas de baguettes. Parce que effectivement, pour des baguettes, il faut se lever à 4h du mat. Par contre, on fait des pains ronds, on les fait la journée. Le lendemain, ils sont toujours bons. Donc on n'a pas besoin de se lever à des heures pas possibles, de ruiner notre santé pour fabriquer du pain. C'est qu'on a créé une configuration à un moment, et ça, c'est pas nécessairement un grand discours autour d'un plateau télé. Mais donner la parole à un acteur qui présente une solution incarnée, ça a une force de transformation potentiellement, à mon avis, plus puissante, parce qu'elle traduit une réalité très pratico-pratique qui est vécue, c'est quelque chose qui, nous, à Antilla, on est à la fois accompagnateur et on est avec les médias qu'on a, on met en lumière. Avec l'Institut, on a vocation à former les personnes qui se disent j'aimerais débarquer dans ce monde-là et de pouvoir leur apporter des outils pour penser, leur apporter des ressources pour être utiles, pour qu'elles puissent travailler dans ces structures qui fabriquent réellement la transition. C'est ce que nous, on appelle l'économie de la transition. Pour ça, c'est un terme un peu pratico-pratique. Hein. Ce n'est pas un terme qui va perdurer des siècles comme des concepts d'économie d'Adam Smith ou de Karl Marx. C'est un concept pratique pour nous, pour décrire des associations, décrire des entreprises, décrire des projets qui réellement aujourd'hui fabriquent la transition et pas sont en train de parler d'environnement simplement, de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises simplement, mais qui, on peut dire, nous, on pointe du doigt cette entreprise, elle est réellement en train de créer une bascule parce qu'elle incarne réellement un nouveau métier ou une nouvelle pratique ou une nouvelle solution comme, je dirais, toutes celles que tu interviewes, sachant que peut-être que je dirais peut-être pas toutes celles, parce que peut-être qu'il y en a une avec les gens, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais là, en tout cas, la très grande majorité, quand je regarde ton podcast, voire la totalité, sont celles que nous, on considère être réellement porteuses de cette économie de la transition, pour lesquelles on forme les personnes côté institut, pour qu'elles aillent y travailler, quand avec notre programme Nouvelle Voix, quand avec Antilla, on accompagne leurs créateurs, les dirigeants et dirigeantes qui ont créé au début, à monter de A à Z ces solutions qui accueilleront ensuite 1, 10, 20, 30 salariés qui viendront y donner leur énergie, leurs compétences. Et c'est pour moi de cette base-là que se fabrique la solution. Pour te raconter une petite anecdote, et je tranquilliserai mon esprit de synthèse pour être un petit peu plus synthétique après. Un jour, un ministre d'État qui est venu sur Lyon, un ministre d'État qui a aujourd'hui évidemment un peu une situation compliquée, qui est un ministre qui a été une personne importante dans les combats écolos, Nicolas Hulot, il est venu sur Lyon et il n'est pas venu nous voir. Il est venu voir des entrepreneurs sociaux, il est venu voir des personnes qui étaient plutôt dans la Startup Nation, comme on dirait, d'un certain point de vue, avec des personnes chouettes hein, dans le lot, et des personnes peut-être un peu plus cosmétiques, un peu moins incarnées et engagées de notre point de vue en tout cas. Et on était un peu en colère, Justine, qui est une des cofondatrices d'Antilla, était un peu en colère aussi, et je disais, en pratique, il faut se dire, un poème que j'ai appris quand j'étais en Amérique latine, vécu un peu en Amérique latine, ma mère vient du Pérou, et qui dit, je le dirai pas en espagnol, je vais le dire tout de suite en français pour qu'on gagne du temps, le chant de celui qui chante doit être une lumière sur les champs où pousse le blé, illuminant toujours ceux d'en bas. Et la seule et unique reconnaissance que nous on attend, c'est celle de ceux qu'on accompagne, pas nécessairement celle des institutions ou des grands journalistes à Paris qui ne se donneront pas le temps que toi tu te donnes d'aller voir tout le monde et de comprendre réellement la puissance humaine et qui vont chercher le truc qui marque, le truc qui choque, le truc qui va augmenter un peu leur audimat et où on passe à côté de la vérité profonde, celle qui a de la valeur. Et pour moi, c'est notre mission entière ou institut, c'est d'être au service de ceux qui font pousser et qui poussent eux-mêmes, pas forcément d'aller là où on peut planer comme un aigle royal au-dessus du champ de bataille et se prendre pour un peu les commentateurs de la grande transition. Nous, on est aux côtés de la toute petite transition multipliée par des centaines et des milliers qui fabriquent la transition réelle de notre société. Dis-moi, si je me trompe, moi j'ai mis du temps à comprendre que entre le citoyen, la citoyenne et le politique à l'échelle nationale, il y avait un intermédiaire. Après, l'élan de Ça commence par moi, 2016, 2017, de voir que je tombais à pic avec tout cet élan, des marches pour le climat, des millions de personnes qui ont changé leur consommation, qui ont changé leur manière de se déplacer, leur manière de consommer, de la culture, de partir en voyage. Et on a vraiment vu des citoyens se dresser et mettre ces dernières années les sujets écologiques au cœur de nos priorités. Je pensais naïvement que l'année dernière, on allait, pendant les élections présidentielles, réussir à transformer l'essai de cet éveil citoyen avec une envie de se projeter dans ces nouvelles abondances, un débat nourri, fécond, fertile, alors qu'on est passé complètement à côté de ça et j'ai vu l'écart qu'il y avait entre le citoyen et le politique. C'est seulement cette année que je relis mon travail avec 2030 Glorieuse dans lequel je donne la parole aux personnes qui font ces métiers de demain comme en fait une étape très stratégique puisque l'économique peut être le marche-pied entre le citoyen, le politique pour faire en sorte que le politique, j'ai l'impression, en tout cas je le dis un peu amèrement, est toujours suiveur, suivra peut-être plus l'économique que ce qu'il a été capable de suivre le citoyen. À la fois, j'ai l'impression que vous, chez Anciela, vous avez vraiment déjà appuyé à fond sur cette notion de la prépondérance de l'économique. Tu le disais, vous soutenez les projets en tant qu'incubateur. Ensuite, avec l'Institut, ça a été former directement les salariés qui vont pouvoir rejoindre ces projets-là. Est-ce que pour toi, ça a toujours été d'une évidence aussi stratégique ? Est-ce que tu as digéré, redigéré ? Est-ce que tu regardes différemment maintenant cette nécessité de faire plier l'économique dans le sens qui nous intéresse ? C'est un peu comme ta première question. C'est-à-dire qu'elle a un écho très fort chez moi. J'ai grandi, je pense, je suis né à 15 jours, j'étais dans un avion pour la Tunisie. Mon père, instituteur en Tunisie, ensuite au Maroc pendant plusieurs années. Et je pense qu'à 4-5 ans, je savais que j'avais envie de changer le monde, que la société telle que je la voyais ne pouvait pas perdurer et qu'il fallait se battre. Et mes parents ne m'aidaient pas du tout à renoncer, parce qu'ils m'encourageaient clairement à continuer à m'indigner, à continuer à me révolter et me décourageaient même pas dans mes délires quand j'expliquais à ma mère mais à 8-9 ans que j'allais mourir assassiné comme un militant politique et que je lui expliquais mes tactiques de guérilla parce que j'étais malheureusement tombé sur un bouquin de Che Guevara sur la guérilla en Bolivie et mes parents m'encourageaient. Donc j'avais ça débordait et pendant très longtemps je me suis demandé ma voix entre la politique et une autre voie, celle que j'ai aujourd'hui, associative, citoyenne, d'enseignement. Et si on devait, pour ceux qui ont pu, qui sont à mon avis assez nombreux, voir ou lire Le Seigneur des Anneaux, entre Aragorn qui va être le roi, épée à la main, ou Gandalf qui va accompagner, ou Harry Potter avec sa baguette, ou Dumbledore comme enseignant. Et pendant très longtemps, je ne savais pas très bien quelle voie choisir. J'ai pas choisi la politique pour des raisons très personnelles parce que je pense que c'était pas ce qui allait mieux m'accomplir et pour cela Albus Dumbledore que j'ai en portrait dans mon bureau m'a aidé parce qu'il dit en définitive que sa place était dans une école et pas sa place était pas au ministère de la magie et peut-être que dans une certaine mesure c'était le cas pour moi. Pour plus de généralité, la politique c'est un univers particulier. Un jour Robert Badinter expliquait cette théorie à François Mitterrand et François Mitterrand écoutait poliment. Robert Badinter raconte cette histoire et puis au bout d'un moment Mitterrand lui dit oui vous savez vous avez raison mais vous n'allez pas en politique. Robert, c'est pas pour vous. Vous savez, en politique, le plus mauvais des professionnels sera toujours bien meilleur que le plus éclairé des amateurs. Et c'est vrai. C'est-à-dire que la politique a des rouages et des règles. Et je pense qu'un certain nombre de personnes, quand c'est leur premier mandat, s'en rendent compte. C'est que c'est pas le positif, en fait, qui draine les énergies politiques. Le politique, c'est de la gestion, c'est tenir. Et une institution, c'est là pour instituer. C'est simple comme idée, mais c'est difficile à accepter. Une institution, elle arrive toujours après. La société change, et quand la société change, une institution transforme cette société qui change. Et un jour, un vice-président de la métropole m'a dit « Tu devrais venir avec nous, tu serais vice-président aussi, blablabla. » J'étais un peu jeune, c'est sympathique. Et je lui dis « Mais non, parce que moi, j'ai envie d'être au début de la vague. » Et toi, tu es au-dessus de la vague, tu es au bout de la vague, à faire que la vague, elle aboutisse à un certain nombre de conséquences institutionnelles. Et moi, j'ai envie d'être aux côtés de ceux qui sont au tout début de la vague et qui la fabriquent, d'un certain point de vue, par les solutions qu'elles proposent. Et on a deux missions qui sont complémentaires. Il ne faudrait pas croire qu'il faudrait un monde qu'avec des Anciela et des instituts de transition qui sont au début de la vague à accompagner ceux qui fabriquent le changement. Il ne faudrait pas croire non plus, ce qui est souvent le cas malheureusement, que c'est que la politique n'est pas capable d'accompagner la transformation. Une politique qui est trop en avance, c'est une politique qui va devoir aller à rebours de la société. On a connu ça par le hasard des histoires chez nous. C'est la période de la Révolution où, Dieu sait si j'admire Robespierre comme personnalité politique. Malheureusement, Robespierre a un siècle ou deux siècles d'avance dans plein de propositions qu'il peut porter. La société n'est pas prête. Et si tu souhaites réellement appliquer ces solutions, il va falloir briser la société. Et briser la société, ça ne peut pas être une option pour nous, ça ne peut pas être un désir pour nous. C'est peut-être la conséquence à la fin si on n'y arrive pas. Mais moi, je me battrai de toutes mes forces au début de la vague pour faire grandir cette vague de la transition, du changement, positivement, par une approche de proposition économique, une approche de solution économique, de solution citoyenne, de solution sociale, pour qu'on n'ait peut-être jamais besoin que la force politique s'impose. Ce qui ne veut pas dire que la politique n'a pas du sens aujourd'hui. Il faut des pistes cyclables, mais parce qu'on a des cyclistes. Il faut du bio dans les cantines et il faut du végétal dans les cantines parce qu'on a des consommateurs qui souhaitent du végétal et du bio. Si on l'impose aux personnes, on aura de la résistance, une résistance qu'on ne pourra briser que par la force. Donc notre mission à nous est différente de la mission politique. Et il y a des moments, évidemment, ça se frotte parce que la politique, c'est un espace de frottement. Il y a des trucs où on n'est pas d'accord, on va se battre, on va se bagarrer, on va dire vous faites de la merde, il ne faut pas le faire comme ça. Et ils vont dire oui, bah c'est, oui, mais en même temps, on n'a pas le choix parce que les directives européennes, parce que blidule, parce que truc. La politique, c'est une autre énergie. Et pour moi, les deux énergies doivent cohabiter, dialoguer. Et quand dans ma vie, j'ai choisi celle de l'énergie citoyenne, entrepreneuriale, associative, pour moi, elle m'a de facto éloigné de celle de la politique, mais elle me met en dialogue avec régulièrement. Et je dois régulièrement parler avec des élus et leur donner mon avis, et à eux de prendre leurs décisions et à moi de prendre les miennes. Tu es quand même le Jean-Claude Van Damme de la citation, Martin, hein, puisque tu es capable de parler d'Harry Potter, d'Albus Dumbledore, d'Aragorn, et puis ensuite on est passé sur Badinter et on atterrit finalement sur, sur Robespierre. Moi j'ai l'impression que là on n'avait jamais fait un coup à trois bandes comme ça, donc bravo pour ça. J'ai un peu ce don. Et encore, je ne suis pas parti sur les images parce que ça peut être terrible. Oui, de temps en temps, effectivement, je crois que je laisse encore aux personnes qui nous écoutent la surprise de tes futures inventions de métaphores. J'ai quand même envie là maintenant de centrer vraiment notre discussion sur justement la responsabilité des travailleurs et des travailleuses qui se saisissent de ces métiers de sens. Jusqu'à quel point vous, à l'Institut, vous les éveillez sur le fait que ces opportunités, elles sont égoïstes à très juste terme et en même temps nécessaires pour justement alimenter cette vague qui fait qu'un jour le politique va se rendre compte qu'il va falloir financer de nouvelles filières porteuses d'emplois, investir dans des entreprises et des industries qui vont nous permettre d'aller vers plus d'autonomie. Est-ce que vous leur transmettez ce sentiment un peu d'ambassadeurs qui doivent être flamboyants, ou est-ce que finalement des travailleurs sains, sérieux, qui vont pouvoir mener leur carrière professionnelle de manière décente, c'est suffisant? Je dirais que les ambassadeurs, ce sont les dirigeants et dirigeantes, souvent les fondateurs, fondatrices des initiatives. On avait cette discussion avec une personne qu'on accompagne côté institut hier, avec ma co-accompagnatrice qui elle aussi a monté une initiative qui est un café écologique et solidaire dans la région lyonnaise, Équilibre Café. Et on lui disait, c'est cette flamboyance, ce côté ambassadeur, on va batailler de voir exister à chaque instant pour montrer qu'on porte les solutions et que ces solutions, c'est celles qu'on doit choisir pour la société de demain. C'est la mission des dirigeants et dirigeantes, des fondateurs et fondatrices. À côté d'elles et eux, on a la nécessité d'avoir plein de personnes qui sont, comme tu dis, saines, laborieuses, travailleuses, qui n'ont pas cette énergie et cette lumière d'ambassadeur nécessairement à avoir. S'ils ont cette énergie, cette lumière, c'est très bien. On a une symphonie de lumière à avoir dans une organisation pour qu'elle tourne. Des personnes qui sont dans la salle des machines et qui permettent la coordination administrative et financière de la structure, des personnes qui sont aux rouages divers et variés, des personnes qui sont dans le dur du métier. Notre enjeu à nous, en pratique, avec notre programme Nouvelle Voix qui est sur un an, c'est d'accompagner les personnes à trouver leur juste place. C'est le sens même du mot humilité. Tu utilises souvent ce mot d'humilité qui est un mot pour moi absolument fondateur. C'est trouver sa juste place. C'est pas se réduire soi-même, s'amoindrir ou s'abaisser. C'est trouver la place dans laquelle on s'accomplit parfaitement. Et chaque personne doit, comme moi, en lisant Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, en écoutant tes podcasts, en regardant des séries diverses et variées, se dire mais au bout du compte, au fond de moi, quelle énergie, quelle lumière, quelle puissance j'ai envie de donner. Et c'est pas un truc qu'on peut décider. Alors, on peut lire Le Seigneur des Anneaux, effectivement, mais c'est pas Le Seigneur des Anneaux qui va nous donner la réponse. C'est aussi en allant sur le terrain, c'est en étant accompagné, c'est en rencontrant, c'est en ayant des retours critiques, des retours inspirants qui nous permettent à un moment donné de dire, en fait, je me rends compte que on a plein de personnes, par exemple, qui débarquent en disant, je veux plus jamais toucher à la com. Alors, la com, c'est horrible. Genre, je travaille dans la com, je veux plus du tout en faire. Et la première fois que je les vois arriver, je rigole un peu parce que j'en ai vu passer un certain nombre et je leur dis, d'accord, bah, c'est chouette. Et qu'est-ce qui t'intéresse, donc on discute un peu. Et à la fin de l'année, pratiquement la plupart du temps, elle travaille de nouveau dans la com, mais pas du tout la même en fait, et pas du tout avec la même pratique. Mais elles ont trouvé un endroit où ce qui les avait appelés quand elles avaient 18 ans à être dans la com, bah, les appelle toujours, mais les appelle ailleurs au service de structures qui ont du sens pour elles. D'autres inversement qui disent, moi je veux vraiment besoin d'aller dans du concret, mettre les mains dans la terre, et qui vont trouver des endroits pour. Mais souvent on commence en se disant, j'ai envie de mettre les mains dans la terre, et on s'aperçoit qu'en fait il y a plein d'autres endroits où on est utile et on agit sans avoir nécessairement les mains dans la terre, et on a besoin de paysans et de paysannes, c'est une évidence, mais on a aussi besoin de coordinateurs, coordinatrices, de chefs de projet, de personnes qui bossent à la com, au marketing, dans ces structures qui sont en train de grandir et qui sont porteuses de sens et de solutions. Pour moi, on a des personnes qui auront une portée ambassadrice un peu lumineuse et d'autres qui vont être pour solidifier, pour accompagner, pour provoquer, pour processer dans ces organisations et que on puisse grandir et passer de 3-4 personnes un peu... Nous, en là, on est un peu tarés. Les trois premiers, c'était un peu des tarés. Et puis, on se rend compte en voyant arriver les personnes suivantes que on peut pas penser que les personnes vont nous ressembler en fait et qu'elles vont être exactement comme nous. Et donc on s'adapte et on a besoin de ces personnes plus expérimentées. Notamment, c'est pour ça que Nouvelle Voix, c'est sur les personnes en évolution professionnelle. C'est qu'on cherche aussi à attirer des personnes dont on attend d'elles qu'elles nous apportent des expériences et des expertises qu'on ne peut pas toujours fabriquer dans nos structures qui sont des jeunes pousses pour la plupart et qui en fait se sont fondées avec des jeunes personnes en termes d'expérience souvent dedans et qui pataugent un peu quand on parle organisation. Donc pour moi, il y a vraiment besoin d'une diversité, d'une symphonie de personnalités pour que cette économie de la transition qui aujourd'hui est une marge qui grandit devienne une norme qui s'établit et qui fabrique la civilisation de demain. Et justement, pour toutes ces personnes qui nous écoutent et qui se disent, en fait, là, depuis le temps que je l'écoute, Julien, depuis le temps qu'il nous inspire avec tous ces portraits, ces métiers qui donnent envie, mais j'ai peur de me lancer, j'ai peur de trébucher, j'ai peur de me décevoir moi-même. Est-ce qu'il y a des obstacles récurrents dans la démarche de bifurcation que tu as identifiée à force de voir ces fournées d'apprenantes et d'apprenants qui, j'ai l'impression, j'aurais tendance à dire, parfois revivent un petit peu les mêmes schémas, les mêmes blocages, les mêmes apprentissages? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience que tu peux nous faire avec la hauteur de vue de ces trois première promotion, si je dis pas de bêtises? Tout à fait, oui. Trois promotions, environ 137 personnes, environ 150, c'est 137 personnes exactement qu'on a accompagnées. Et à côté, toutes les personnes qu'on a vues accompagner côté Antilla ou d'autres personnes qu'on a croisées côté Institut, parce que nous-mêmes, on est ici pour la plupart de parcours où on a dû exister et choisir. Une quatrième promo qui a commencé à recruiter. Voilà, une quatrième promo qui commence. Il y a déjà une dizaine d'inscrits. Ouais. Chouette. Une petite dizaine d'inscrits déjà d'ores et déjà. Et ça va s'étaler. Notre but, c'est d'avoir à chaque fois une cinquantaine de personnes environ pour que ce soit à taille humaine et qu'on puisse bien accompagner chacun. Nous, en fait, on se retrouve dans Nouvelle Voie. On a 2 heures par mois avec les personnes, un binôme, 2 personnes qui accompagnent une personne dans son évolution professionnelle autour d'un mémoire. On a des temps d'accompagnement dans le cadre des missions de terrain qu'ils font, parce qu'en fait, il y a 3 piliers pour que les gens voient un peu, quand on parle des personnes qui évoluent, ce qu'on peut vivre avec elles. Un pilier où ils sont en cours avec nous. Donc là, c'est avec des classes de 20 personnes. Donc c'est un petit peu... On les connaît pas très bien. On a des débats, des discussions. On enrichit, on apporte du contenu. Ils réagissent par rapport à leur contenu, ce qu'ils avaient vécu avant. On a des missions de terrain où ils sont sur le terrain dans plusieurs structures potentiellement, puisqu'ils vont choisir potentiellement 3, 4, 5 missions dans l'année qui leur permettent de découvrir différents endroits. Et donc là, à chaque fois, c'est accompagné. Donc on les voit collectivement en mission, donc 2-3 personnes. 2 à 3 fois et 1 fois individuellement à la fin pour échanger sur ce qu'ils en retiennent eux personnellement de cette mission, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont appris d'eux-mêmes, ce qu'ils ont appris d'écosystème, pour les aider à mettre des mots et pas à se planter un peu bêtement en se disant plus jamais je travaillerai dans tel type de structure, alors que c'est peut-être pas vraiment le type de structure qui était le problème, mais la mission ou la structure elle-même qui n'était pas idéale. Et on a le mémoire professionnelle accompagné où on les voit 2 heures par semaine pendant 2 heures par mois à 2 où on parle du mémoire, mais on parle aussi de leur vie. On peut parler divorce, on peut parler conflit dans la famille, on peut parler les enfants qui n'ont pas envie de ceci, les enfants, parce qu'en fait c'est la réalité pratique avec laquelle on est. Et quand on accompagne quelqu'un de 30 ans, c'est quelqu'un qui a un peu plus de liberté, quelqu'un de 45 qui dit je me sens coupable, j'ai ma maison ceci, j'ai mes 2 enfants cela, mon mari comprend pas du tout ce que je fais, il est pas contre mais il comprend pas. Donc on a un peu tous ces moments là pour discuter avec eux et en pratique des obstacles, il y en a pas mal. Même quand ça semble simple, nous on évite le discours de la facilité qui aura pour toi, ce sera facile, parce que c'est jamais facile. En pratique, et puis c'est pas fertile de parler de facilité, parce qu'en soi, même quand, sinon on n'en tirera pas de gloire si on y arrive, alors qu'en pratique c'est toujours difficile et c'est toujours un enjeu de changer. Et pour moi, ça serait un inventaire un peu infini de dire tous les obstacles les plus courants. Je dirais que le premier obstacle le plus important, c'est celui par lequel on se sent pas légitime. Et pour des raisons qui sont, pour ainsi dire, toutes plus bêtes les unes que les autres. Parce qu'il y a 2 types de légitimité. Il y a la légitimité en acte. Est-ce qu'aujourd'hui, moi ou toi, on est capable d'être chirurgien ? Non. Si demain, on te donne on dit on va opérer une rate, on est tous les deux, on se met à opérer la rate, la personne va décéder, c'est certain. On n'est pas légitime pour être chirurgien. Ça, c'est la légitimité dite en acte. Mais il y a une légitimité en puissance, celle de notre désir. Je veux devenir chirurgien. Alors, j'ai 34 ans, il faudra peut-être 10 ans d'études, ça veut dire que de 44 à 64 ans, peut-être que je serai chirurgien, puisque je travaillerai, et pour moi, évidemment, pendant les 10 ans de mes études pour devenir chirurgien, je serai utile, je ferai plein de choses, je ne serai pas encore tout à fait chirurgien. Et ça, c'est la légitimité en puissance, elle est basée sur le désir. Et personne ne peut interdire à une personne de se lancer. Il se trouve que, malheureusement, quand on a envie d'y aller, on le dit. Et c'est très bien, il faut le dire. Et parfois, on a des personnes, il faut oser parler à plein de personnes. Et si possible, des personnes comme à Antilla, comme à l'Institut, comme suivant les villes des uns et des autres, vous trouverez des endroits où des personnes accueillantes peuvent vous aider à comprendre ce que vous avez envie de vivre, à vous donner confiance, à vous donner de la force, à vous permettre de faire vos prochains pas, entre guillemets, à vous autoriser ou de vous donner des conseils pour que ces prochains pas soient les plus fertiles. Mais dans ce moment-là, on est particulièrement fragile. Et il y a un poème d'amour que j'aime beaucoup, de Yeats, poète anglais, qui dit « Et moi qui suis pauvre et qui n'ai que mes rêves, sous tes pas je les ai déroulés, marche doucement parce que tu marches sur mes rêves. » Pour moi, ce poème-là, c'est ce qu'on vit à chaque fois qu'on a un nouveau projet, une nouvelle idée. On arrive en disant « Je veux devenir... » C'est tellement facile de dire « Mais attends, mais tu crois vraiment... » Ma grand-mère me dit « Mais tu penses vraiment que tu vas changer le monde ? Arrête de rêver. » D'accord. Et alors aujourd'hui, j'ai 20 ans plus tard, c'était quand j'avais 14-15 ans, j'en ai 34, je me bats de toutes mes forces. Et maintenant, plus personne me dirait. Alors, on me dirait, vous n'êtes pas vraiment en train de changer le monde. Il y a encore plein de défis, etc. Mais personne me dirait, c'est que des rêves, parce que j'ai avancé. Ça y est, j'ai une armure, j'ai une épée, j'ai un bouclier, je ressemble à un chevalier. Mais quand je me dis, j'ai envie de changer le monde, c'est tellement facile de décrédibiliser. Et il faut s'armer contre ça. Il faut se dire, si mon envie, c'est ce qui compte plus que tout à ce moment-là. Et après, je vais devoir abattre tous les autres obstacles. Je vais devoir me former, je vais devoir apprendre, je vais devoir être accompagné potentiellement. Plein de choses vont devoir se mettre autour de moi, avec moi, en moi, pour que j'arrive à accomplir mon espoir d'être utile, d'amener du changement. Mais ce qui va être le premier verrou, c'est de ne pas y aller, en fait. C'est d'être dans sa maison et de ne pas ouvrir la porte pour ne pas oser se lancer dans quelque chose de nouveau qui nous attire profondément. Ça ne veut pas dire, par contre, y aller n'importe comment, n'importe quand, en ayant rien à cirer. Nous, quand on va accompagner des gens, on va leur dire, plus vous êtes sécurisé dans ce chemin, plus vous ferez des choix qui ont du sens. Donc si vous pouvez, quand vous êtes dans votre boîte, négocier une rupture conventionnelle plutôt qu'une démission avec le dispositif démissionnaire qui garde les droits au chômage, ou une démission avec le dispositif démissionnaire qui garde le chômage plutôt qu'une démission sèche où vous perdez tous vos droits, il vaut mieux choisir l'option la mieux disante, parce que ça vous permettra d'être le plus sécurisé. Parce qu'on reste dans une économie capitaliste où on a besoin d'avoir un loyer, un salaire, payer sa nourriture, etc. Parce que etc. sinon vous allez faire des mauvais choix, parce que vous allez vous retrouver peut-être encore plus insécurisé. Donc l'enjeu, c'est de se sécuriser pour pouvoir faire des choix qui sont déterminants. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si il est absolument nécessaire de changer, il vaudra quand même mieux une démission sans rien et on se débrouille en bossant à Biocop ou en bossant dans telle et telle boîte qui cherche toujours des gens qui viennent donner un coup de main pour relancer ses droits au chômage. Parce qu'au bout du compte, les humains, on n'est pas des aigles qui volons au-dessus du champ de bataille, qui pouvons être au-dessus de la mêlée. On est des vers de terre, on se démerde comme on peut. Et si on arrête de penser comme des vers de terre, on ne s'autorise pas plein de trucs. Et quelqu'un dit, mais je ne pourrais absolument pas ça. Voilà, 95% des cas, on peut complètement. C'est juste qu'il faut le regarder autrement et se dire, ok, dans ce cas-là, vaille que vaille, je fais une démission sèche, mais pendant 6 mois, je vais bosser dans une épicerie ou dans un resto, faire un peu d'argent pour relancer mes droits au chômage. Et puis après, je me débrouillerai pour mon projet. Mais se débrouiller, c'est absolument fondamental parce que c'est ce qui vient vraiment de nous. Pour moi, par exemple, les gens me disent, est-ce que je dois absolument faire votre institut pour trouver un boulot? Je dis non. L'institut va t'aider à plein de trucs, t'apporter plein de choses, mais il n'y a rien que tu ne dois absolument faire pour trouver ta voie. Ça vient vraiment de toi et à toi de te débrouiller. Et dans Kaamelott, parce que j'ai pas encore cité Kaamelott dans mes... Je savais que ça allait arriver à un moment, Dans mes préférences. à un moment, le roi Arthur, qui n'est pas encore roi, parle avec César dans la dernière saison. Et César lui donne, pour moi, le seul conseil qui compte. Il est en train de se demander des trucs plus ou moins farfelus sur il ne mérite pas d'être le chef. Et puis finalement, il se fait manipuler par tout le monde. Et César lui dit la seule phrase qui compte pour moi, te laisse pas faire. Te laisse pas faire, Artois. Et pour moi, cette phrase, te laisse pas faire, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il vaut mieux partir avec la rupture conventionnelle, mais il faut pas rester contre soi-même à un endroit. Il faut créer les conditions. Peut-être c'est 3 mois plus tard, 8 mois plus tard, pour se barrer et aller là où on doit aller. Mais à aucun moment donné, ne pas pouvoir revenir en arrière et ne pas avoir le choix. Il faut toujours pouvoir avoir le choix pour chaque jour continuer à choisir d'avancer vers la transition écologique et solidaire et pas devoir y avancer parce qu'on s'est rendu la vie impossible et impossible de revenir en arrière. Il faut toujours pouvoir revenir en arrière pour pouvoir réellement avancer. Et ça, c'est des conseils. Pour moi, c'est là que depuis le bilan de compétences avec certaines structures jusqu'à l'Institut de Transition, jusqu'à Antilla quand on a un projet associatif ou entrepreneurial, de trouver des figures, des personnalités, qu'elles soient officielles parce que c'est leur métier ou que ce soit des gens qui nous inspirent parce qu'on peut les rencontrer, qui viennent nous nourrir pour nous aider à pas être seul avec notre intuition, mais venir nourrir cette intuition pour qu'elle soit la plus fine et la plus exacte possible dans notre évolution. Et ça, c'est vraiment pour ça qu'aussi on a 2 heures d'accompagnement avec chacun, avec 2 personnes. C'est pour aider chaque personne qu'on accompagne, 2 personnes qui l'accompagnent, pour vraiment pouvoir lui donner plein d'éléments pour nourrir son intuition et qu'elle prenne ses choix à elle les plus librement possible. Je récapitule avec mes mots dans le désordre. J'ai le sentiment donc que la quête de perfection de notre société ne peut plus nous laisser penser que en fait elle légitimerait notre inaction, parce que de toute manière cette imperfection elle est chronique à l'humanité, et donc notamment dans nos vies professionnelles. Au contraire, il vaut mieux accepter de faire un petit peu mieux, un petit peu mieux, un petit peu mieux, quitte à ce que le premier pas ça soit, comme tu le disais, d'être vendeur dans un biocoop, et qu'ensuite on évolue. Le mouvement est la clé. j'ai un peu l'impression qu'il y a quelque chose de ça. Tu dis beaucoup que cette mise en mouvement, elle va exister, être protégée, se déployer grâce aux autres. Et donc, parfois, il faut savoir aussi reconnaître dans ses frères, dans ses sœurs, de potentiels obstacles, ennemis, et donc se trouver d'autres cercles aussi, peut-être aller identifier d'autres personnes qui vont pouvoir accueillir nos envies et les nourrir et les accepter pour un moment qu'on soit suffisamment fort pour se les autoriser dans des milieux un peu plus intransigeants. Tu m'as dit des choses sur la nécessité d'arriver à traiter aussi toute la base arrière, logistique, financière, qui va nous permettre de tenir sur le temps long, hein, parce que c'est pas un claquement de doigts, cette transition professionnelle. Moi, j'ai une autre question sur le concrètement, sur le quoi. On est face à une montagne, hein, on a l'impression en ce moment qu'on doit tout changer ou rien changer. Et tu as évoqué tellement de défis et on pourrait en lister pendant des heures. Comment réussir à être à la fois en mouvement, mais aussi avec les antennes qui soient suffisamment déployées pour continuer à se former, s'auto-former presque au quotidien, pour louvoyer dans cette urgence, dans ce qu'on peut apporter, dans ce qu'on devrait aussi transformer de notre côté pour que notre vie professionnelle, elle ait toujours du sens. Parce que je pense qu'il y a plein de gens là qui ont actuellement, en 2023, du sens, qui peut-être, s'ils continuent avec des œillères, sans remettre en question leur activité, se retrouvent trouverait presque, pourquoi pas, être contre-productif d'ici 5, 7, 10 ans, j'en sais rien. Est-ce que vous accompagnez les apprenantes et les apprenants à utiliser leur esprit critique, apprendre à apprendre ? Il y a des choses que vous faites par rapport à ça ? Oui, pour moi, c'est un état d'esprit qui est absolument indispensable et que nous, on a résumé, entre guillemets, en un mot, qui est celui d'être artisan ou artisane de la transition. C'est-à-dire qu'un expert, il dispose d'une expertise. Cette expertise, elle est stabilisée. C'est pour ça qu'il est capable de, avec certitude, nous décrire que d'un point A, on va à un point B en suivant un protocole défini. C'est ce qui fonctionne dans une société. Il y a plein d'endroits où on n'a pas du tout envie d'aller embêter les experts parce qu'ils sont tout à fait pertinents et qu'ils nous amènent à des résultats tout à fait adaptés. J'ai pas du tout envie d'aller embêter les aiguilleurs du ciel qui, dans un aéroport, avec une expertise très poussée, assurent que les avions ne se percutent pas. J'ai pas du tout envie d'aller embêter les experts en santé publique qui assurent que les traitements qu'on prend quand on prend un médicament ne nous empoisonnent pas. Donc il y a plein d'endroits où ces expertises, elles sont fertiles, elles sont adaptées, elles sont ajustées. Et il y a des endroits où la société est en mouvement. Et dans ces endroits où la société est en mouvement, les expertises sont fragiles, elles sont insuffisantes puisque précisément, elles ne répondent pas positivement aux enjeux, elles trouvent des limites. Et c'est à cet endroit-là qu'on a besoin d'inventivité. Alors, c'est les chercheurs, les chercheuses qui fabriquent des savoirs profonds qui nous aident à avancer. C'est aussi les artisans et les artisanes qui fabriquent des savoirs pratiques, ce que Baptiste Morisot appelle artisanat conceptuel, qui fabriquent des savoirs immédiatement, qu'on peut immédiatement mobiliser et c'est chacun d'entre nous en fait. C'est-à-dire que nous, sur les personnes en évolution pro ou les personnes en évolution dans leur vie sur les enjeux de transition écologique et solidaire, on a des savoirs et on a des pratiques que peu de structures ont en France et par le monde par rapport à nos expériences à nous, nos réalités à nous, les personnes qu'on accompagne nous. C'est pour ça que souvent, quand on a des cas, je ne vais pas donner des vérités générales parce que ce qui va être une vérité pour les personnes que nous on voit ne sera pas une vérité à un autre endroit, déjà en France et encore moins ailleurs. Et pour moi, sur ce que tu décris d'esprit critique, c'est vraiment de que les personnes, en tant qu'artisans ou artisanes de leur vie, artisans ou artisanes de la transition de la société, se disent à chaque instant, je suis en train de marcher, je regarde l'horizon vers lequel je vais et je regarde mes pieds pour être sûr que je ne suis pas en train de me planter. Ça veut dire que j'ai ma pratique au quotidien pour est-ce que je fais bien du pain si je suis boulanger, est-ce que je fais bien de l'accompagnement à l'évolution professionnelle si je suis accompagnateur dans l'institut, est-ce que je fais bien de l'accompagnement à la création d'entreprises ou d'associations si je suis accompagnateur dans la pépinière d'Antilla. Et en même temps, je regarde au loin et je me dis, est-ce que c'est ma pratique répond réellement aux enjeux, aux urgences, aux défis, en ayant par contre cette idée qu'on est que 1/7 milliardième d'humanité. C'est-à-dire que non, ma pratique ne répond pas à tous les enjeux. La protection des fonds marins, je ne crois pas avoir jamais accompagné aucune initiative sur ce sujet, ni aucun apprenant qui s'est destiné à y travailler. Je crois avoir rencontré qu'un seul océanographe dans ma vie. La protection des fonds marins, je pense que je n'ai à peu près rien fait pour que ce défi avance. Et probablement que j'ai pas de rapport très fort avec la mer, probablement que j'ai pas de rapport très fort avec la consommation du poisson, ni de rapport très fort avec le commerce international maritime. Et c'est que c'est pas à moi d'y être. D'autres personnes vont se battre pour. Et si à un moment donné, je peux agir dessus, j'agirai dessus. Et c'est pour ça qu'il faut ramener les personnes à ce qu'elles sont aussi par rapport à leurs désirs profonds, à leurs envies, et de se dire, souvenez-vous bien de vous et de vos pieds, regardez-vous où vous en êtes aujourd'hui, et vous dire, moi, ce qui m'aspire réellement, c'est cette action-là, cette envie-là. C'est peut-être pas celle qui a le plus d'impact en termes d'économie de carbone, mais si c'est celle qui m'aspire profondément, c'est probablement celle où je donnerai le meilleur de moi-même et je serai le plus artisan et artisane. Et je refuserai qu'on trahisse ce en quoi je crois, ce pourquoi je me bats, comme je pourrais le faire si on me dit, j'arrivais dans des campus où on me disait, tu vas faire un cours de ce truc-là. Je disais, oui, d'accord. Par contre, tu es obligé de parler de ça. Je disais, oh, d'accord. Ça m'embêtait un peu parce que je suis pas trop d'accord. Je disais, c'est pas mes étudiants, c'est pas mon campus. Je m'en fous, quoi. Je suis un simple salarié, je ramène un peu de sous. Dès que j'ai pu me casser, évidemment, de ces campus-là, je m'en suis cassé. Mais c'est pas moi, quoi. Par contre, quand je deviens artisan de la transition, chaque acte c'est moi, là ce que je te raconte c'est moi, à la fin de notre interview je sais que je me dis j'ai trop parlé de ceci, puis j'ai pas assez parlé de cela, puis j'aurais dû plus parler de nouvelles voies pour rendre le truc clair aux personnes, j'aurais peut-être dû avoir des mots plus comme Fanny un peu plus, mais c'est moi en fait, et c'est moi avec moi-même. Pour moi les artisans et artisanes, c'est à chaque instant je regarde au loin et je m'interroge sur moi-même, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à la société, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. On appelle ça nous la boussole, avec deux petites aiguilles, une aiguille qui dit le sens, ce que je veux apporter à la société, et une aiguille qui dit le goût, ce que j'ai envie de vivre. J'ai qu'une vie, peut-être que dans 2 mois, peut-être que dans 10 ans, peut-être que dans 30 ans, 40 ans, elle se termine. J'ai envie que cette vie, elle ait été vécue avec quelque chose qui me donne du goût. Et il y a des trucs qui me donnent du goût à moi. Un budget me donne du goût. J'aime bien les budgets. Je trouve ça marrant. J'aime bien accompagner les personnes quand elles me disent qu'elles changent de vie. C'est vraiment ce qui a du sens. Et puis il y a des trucs qui me fatiguent, m'épuisent. Et il faut que j'ai le moins possible à les vivre. Et ces trucs qui me fatiguent et m'épuisent, peut-être qu'ils enrichissent d'autres gens et les nourrissent. Et il ne faut pas se sentir coupable de ne pas devenir, expert en analyse de cycle de vie ou en bilan carbone, parce que ce serait supposément là qu'on serait le plus utile. Alors qu'en fait, on a envie de reconnecter les gens au vivant et de faire des balades dans la nature. Si c'est réellement ce qui nous appelle, autant se lancer dans les balades dans la nature où les personnes vivront des expériences incroyables, puisque c'est ce qui nous passionne, plutôt que nos ACV à 2 balles qu'on n'arrivera pas à faire vraiment, parce que c'est pas ce qui nos ACV, nos analyses de cycle de vie, parce que c'est pas du tout ce qui nous aspire. Donc c'est une rencontre entre ce que la société nécessite et ce que nous on a envie d'apporter, et c'est une rencontre de chaque jour. C'est-à-dire que dans 3 mois, dans 1 an, dans 3 ans, la société aura changé et moi aussi. Et donc, je dois pouvoir m'interroger régulièrement pour pouvoir être toujours en accord avec ce que j'apporte à la société et en accord avec ce que je vis. Et c'est pour moi plus qu'un esprit critique, c'est un esprit d'artisan et d'artisane qui incarne, c'est un esprit d'incarnation qu'on va chercher à encourager chez les personnes, mais qui se fait très tranquillement. On ne demande pas aux gens d'être capables absolument d'incarner, personne ne l'est. Hein. Plein de moments, on ne sait pas trop pourquoi on fait les choses. Mais c'est de se dire, je vais vers quelque chose qui m'inspire plus, est plus utile, et avec beaucoup d'humilité, en sachant que ce sera jamais un absolu, ça sera un mieux, ça sera un plus, ça sera un vrai, mais un vrai relatif à toutes nos insuffisances. C'est je citerai simplement pour terminer Albert Camus, qui a une très belle image pour moi. On lui demande ce que c'est son métier d'artiste, mais pour moi, artiste, artisan et personne engagée, c'est des synonymes. Il dit, que faire d'autre alors, devant cette incertitude de notre œuvre, que faire d'autre alors, sinon suivre son étoile et continuer avec entêtement cette marche aveugle qui est celle de tout artiste et qui se justifie à la seule condition qu'il se fasse une idée juste à la fois de la grandeur de son métier, c'est le sens, et à la fois de son infirmité personnelle, c'est le côté relatif, le côté bordélique de nos vies. On est, comme dirait Malraux, qu'un petit tas de misère. On a plein de moments, on a envie d'aller aux toilettes, on n'est pas bien, on est fatigué, on parle trop, on se dit j'aurais pas dû dire ça comme ça. On n'est que nous-mêmes. Et en même temps, il y a notre métier, ce qu'on veut apporter à la société qui nous dépasse et pour lequel on a toutes nos ambitions. Donc c'est d'aider les gens à la fois à avoir plus d'ambition pour la société, plus d'ambition pour eux-mêmes, et en même temps beaucoup plus de tolérance et de bienveillance vis-à-vis de la société. société et vis-à-vis d'eux-mêmes, donc de se dire tout va pas changer du jour au lendemain et moi je vais pas devenir parfait du jour au lendemain, parce qu'effectivement cette culture de la perfection, c'est une catastrophe d'avoir été éduqué par une éducation où on nous a dit si c'est pas parfait tu le fais pas, quoi. Ben non, c'est jamais parfait et de toute façon ça ne sera jamais parfait. Par contre, à chaque fois plus on fera, mieux on fera, et notre exigence c'est qu'à chaque pas on soit plus en accord avec nous-mêmes, et parfois on part de très loin, et ben ça va prendre plus de temps que quand en fait on partait de plus près, et que ben oui, le chemin a l'air plus simple tout de suite, vu qu'on était déjà un peu entraîné, vu qu'on a une famille comme moi, avec des gens qui, dès mes 4 ans, me disaient déjà qu'il fallait se battre pour la société, quoi. Je savais que cette interview allait être plus longue que les interviews classiques. Je savais que j'allais pas pouvoir te poser la moitié des questions que j'avais prévues, et pourtant j'avais réfréné l'écriture de plein de questions que je savais que j'allais pas pouvoir te poser. J'en ai une dernière pour toi, j'aimerais que tu répondes idéalement en une ou deux minutes, s'il te plaît, Martin, même si elle est très difficile. Tu parlais du chemin sur lequel on devait regarder loin et regarder ses pieds. Là, aujourd'hui, ensemble, on a beaucoup parlé de nos pieds. Quand imagines regarder loin depuis l'Institut Transition et qu'on arrive en 2030 glorieuse, là où on a réussi à changer les boussoles de notre société, quelle place elle a l'Institut Transition? Est-ce que finalement on a célébré cette entrée 2030, en 2030 glorieuse en célébrant aussi la fin de l'Institut et cette mort qui va se composter et nourrir plein d'autres vies? Est-ce que tu imagines un rôle à l'Institut pour continuer à être éclaireur, à déployer, à copier-coller? Est-ce que vous avez fait ce travail, cet exercice déjà? On ne s'est pas donné cette liberté d'esprit d'imaginer le moment où on aura tout accompli, si tant est que ce moment puisse arriver. À mon sens, la mission fondamentale d'accompagner les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes, qui est celle qu'on a au fond, autant à Antilla qu'Institut Transition, d'aider les personnes, d'être à leur côté dans cette bataille de la vie, pour exister, pour apporter au monde, pour prendre au monde une richesse qui nous nourrit, elle perdurera, elle est née avec les premières créatures vivantes potentiellement, en tout cas elle est née probablement avec les premières créatures humaines, et elle durera jusqu'à ce que la vie s'achève sur Terre et au-delà, ce qui signifie qu'on trouvera d'autres formes et d'autres combats où cette énergie, est-ce que ce sera avec ce nom, avec cette identité? C'est très difficile de le dire. Et par ailleurs, je pense que fondamentalement, à chaque pas pour lequel on progresse, on voit à quel point il y a encore des pas qui s'ouvrent devant nous. Et c'est souvent ce que je montre. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéressait pas à telle pollution il y a 40 ans? Pourquoi on ne s'intéressait pas à telle injustice il y a 40 ans? Pourquoi à telle période on ne parlait pas de telle violence? Mais parce qu'à cette époque-là, les pollutions qui existaient étaient tellement pires que celles-là semblaient anecdotiques. Les violences étaient tellement pires que celles-là semblaient secondaires. Naturellement, aujourd'hui, on peut aller commencer à s'intéresser. Il faudrait pas mettre de claques aux enfants. Ça a telle ou telle conséquence. À une époque où la moitié des enfants de France grandissaient dans des ventres imbibés d'alcool parce qu'on disait aux femmes qu'elles pouvaient boire jusqu'à un litre de vin par jour. On avait des réalités de violence qui étaient telles, et que les violences vécues par les corps étaient telles que une claque dans le visage d'un enfant paraissait anecdotique. Donc pour moi, notre but, c'est, comme le dit Camus, réduire les contradictions de notre société. Donc on se bat pour les réduire, et je pense qu'en 2030 glorieuse, il y a des contradictions qu'on évoque entre nous. J'espère qu'on aura réduit considérablement celle du climat. J'espère qu'on aura considérablement progressé sur celle de la biodiversité. Je pense qu'on en découvrira d'autres et que d'autres interrogations naîtront des victoires qu'on aura accomplies. J'espère que ce sera ça, parce que sinon, ça veut dire qu'on sera en train de gérer les contradictions qu'on n'aura pas gérées. C'est pour ça que moi, à chaque fois, on dit, on parle du dérèglement climatique, la priorité, c'est s'adapter et pas atténuer le dérèglement climatique. Je dis non. Moi, je livre une bataille pour la gagner. Donc, ma priorité, c'est atténuer le changement climatique autant que je peux avec toute ma force. Par contre, je sais que le changement climatique ou que l'effondrement de la biodiversité a déjà commencé. Donc, une partie est irrémédiable dans une certaine mesure. Je veux bien m'adapter à celle-là, mais je ne vais pas préparer mon adaptation, c'est-à-dire préparer mes défaites, comme un certain maréchal en France pouvait déjà acter que la France avait perdu, alors que nous avions perdu, comme le disait le général de Gaulle, que la bataille de France, et qu'il en restait bien d'autres à mener, et qu'un homme allait la mener avec toute une armée, avec toute une puissance en France et en dehors. Pour moi, on est dans la résistance. On n'est pas dans la résilience aujourd'hui. On est dans la résistance. Il ne s'agit pas de s'adapter au drame. Il s'agit de faire en sorte que ce drame soit le plus minime possible pour qu'on ait le moins de résilience à avoir possible. De la résilience, on en aura besoin nécessairement. Par contre, on est dans la résistance, et de la résistance, la proposition d'alternatives. Et si j'imagine la réussite des 2030 Glorieuses, qu'en 2030 Glorieuses on a réussi, c'est que toutes les initiatives que tu interviews, toutes celles qu'on accompagne, toutes celles qu'on irrigue avec l'Institut de Transition, de toutes les personnes qui évoluent dans leur vie professionnelle pour mettre leurs compétences au service de ces initiatives et de ces solutions, elles aient grandi et elles soient devenues la norme, parce qu'elles auront pu ainsi permettre à notre société de réduire certaines de ces contradictions fondamentales autour des enjeux d'écologie et de solidarité. Et on laissera à nos petits-enfants nous dire à quel point on avait oublié celle-ci, oublié celle-là, et ils auront raison de venir nous taper sur les doigts, et on leur dira « mais vous vous rendez pas compte contre quoi on se battait, nous ?» Ils nous diront « oui, bah, c'était facile, parce que vous avez réussi, c'était pas si dur, alors que nous, ça va être très très dur, parce que bah, évidemment, c'est devant, donc j'espère que ce sera ça, j'espère qu'ils nous diront pas « on a complètement échoué ». En tout cas, je me battrai toutes mes forces, et tous les gens qui s'engagent à Anciela, qu'on accompagne à Anciela ou qu'on accompagne dans l'Institut Transition, sont dans cette perspective de donner de leur énergie et de leurs compétences pour que la société aille vers une société écologique et solidaire, et pas qu'il faille gérer les désastres écologiques et solidaires qu'on n'aura pas su éviter. Merci Martin. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 Glorieuses avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes, et je vous donne rendez-vous sur ça-commence-par-moi.org. Pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!